café. Jour et nuit, les hommes ne font que boire et jouer. Et les femmes se surveillent derrière les fenêtres. De ce monde, c'est le diable qui s'est fait le maître. Quand le chariot pommiers sauvages. Là-bas, la colline est douce et la rivière est large. Quand